Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, engager volontaire, se battre pour des idées. Une série documentaire de Pauline Maucor, réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a ces jeunes de Lunel, ou d'ailleurs partis prendre les armes et souvent persuadés d'aller faire le bien. Il y a des idéaux en bandoulière et la soif de cause à défendre, mais aussi la fièvre et l'absolu qui peuvent mener au pire. Et tous ces hommes partis pour être utiles aux assiégés de Grèce, d'ex-Yougoslavie, d'Espagne ou d'ailleurs, et qui posent la question de la violence et du romantisme, quitte à se retrouver dans un bain de sang ou devenir dépendant à l'adrénaline et à la poudre. Mais parfois, il faut aussi revenir. Alors pour commencer, les personnages. Un homme aux côtés des Kurdes, un chercheur de terrain, un engagé qui veille sur ses hommes, un sociologue qui décrypte les défections, un engagé à moitié revenu, un cuisinier à Maïdan, des hommes qui veulent repartir et un philosophe qui se penche sur l'inaction. Ensuite, le décor. Kobané, le Liban, un petit sac à dos, un mortier, des cauchemars, l'angoisse, le bruit des armes, le repos impossible, le RER, un treillis, un massacre, des corps, des sons, une tête comme un fétiche, des inhibitions, l'envie de tuer, la perte d'intensité, l'odeur de la guerre et la question de la désobéissance. Aujourd'hui, dernier épisode, attention aux oreilles innocentes, parfois on raconte des scènes épouvantables. Ça fait 3 jours que j'ai plus de nouvelles directes d'Afrin, j'ai de temps en temps des vidéos qui arrivent par WhatsApp, mais c'est complètement coupé, c'est dur là-bas, c'est dur. Ils ont coupé les réseaux, ils ont coupé l'eau, ils ont tout coupé. Engager volontaire, se battre pour des idées. Moi, Afrin, j'attends à ce que ça devienne un cimetière géant, il n'y aura plus rien. Là, c'est un massacre en bas. C'est un génocide qui est en train d'avoir lieu. C'est clair et net. C'est quand même hallucinant, les gouvernements qui laissent faire. On ne peut pas. Le retour. Guerriers, nouvelle génération, en Syrie. Moi, je suis abattu. J'ai un copain français, honnêtement. Ouais. Lui, je crains pour lui parce que je sais que lui va y rester. Lui, il restera jusqu'au bout. Hein. Lui, c'est un sacré révolutionnaire et il reculera pas. Il restera jusque dans les derniers. S'il se retrouve coincé, qu'il a une voiture remplie d'explosifs, je sais qu'il va se faire sauter pour essayer de sauver un maximum de gens. C'est un combat jusqu'au bout. Je serai là-bas, je serai le même. Pour défendre les gens de la terre d'Afrin, ouais. Je serai prêt à y laisser ma peau parce que ça vaut le coup. Il y a un système qui est en train d'être mis en place qui va être chouette. Donc, faut sauver ce petit espoir qui est en train de naître là-bas. C'est complètement affolant qu'il n'y ait personne qui réagisse. Cette nuit, il y avait à l'Assemblée anglaise. Oh, c'est pas bien, ils font condamner. Non, il ne faut plus condamner, c'est trop tard. Maintenant, il faut réagir. Ils sont déjà en train de bombarder, pire que pire. Il faut vraiment tout arrêter. Kobané, Afrin, Manbij, ils y étaient. Il voudrait repartir. Là-bas, ils ont vibré et donné un sens à leur existence. L'engagement par les armes est-il une folie ou l'expression de la fidélité à des idées? Portons-nous tous en nous le germe de l'engagement volontaire? Ma motivation pour le départ au Rojava, c'est vraiment la bataille de Kobané. Maxime a 29 ans. Il s'est engagé dans les villes de Shengal, Afrin et Manbij pour soutenir les forces armées des unités du peuple kurde. Toute l'énergie du désespoir, vraiment qui était en train de se dérouler sous nos yeux. Quelques centaines de civils qui essaient de défendre une ville contre la vague noire de Daesh. Je me souviens, c'était la ville qui se faisait démolir et on voyait le désespoir des gens à la frontière qui voyaient leur ville se faire démolir. Moi, je me dis, c'est pas possible de laisser faire ça, donc je vais chercher pourquoi. Enchanté. Vraiment désolé pour le retard. C'est un petit problème à la jambe. Allez-y, entrez. Je vous remercie. Ah, mais il est petit votre sac à dos. Ouais, il est petit, je m'embarque pas trop de choses en fait. Je passe au Liban, donc je vais essayer de passer le plus discret possible, quoi. Vous passez où? Par le Liban. Pour aller ensuite en Syrie, donc là-bas il y a beaucoup de contrôle. J'essaie d'être le plus j'ai des petits problèmes au cerveau suite à l'explosion d'un mortier, donc mon élocution est mauvaise, désolé. Est-ce que vous avez eu des examens là? Oui, j'ai eu des examens, un scanner à la tête et aussi à la jambe. Il se fait appeler Ravachol, il a 19 ans. Il vient de rentrer de Syrie où il s'est engagé pour la révolution socialiste du peuple kurde. Et on m'a dit qu'il fallait que je me calme un peu pendant un moment. Et qu'ensuite, j'apprenne à me reposer, quoi. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Depuis que je suis revenu, j'essaie de me reposer, mais c'est compliqué, quoi. Je suis à fond sur mon prochain départ, quoi. Donc, il y a les cauchemars. Il y a des trucs qu'on a fait qui restent dans la tête. C'est qui, même quand vous êtes éveillé, vous remuez un peu l'esprit. Et ça, c'est compliqué à vivre. Voilà. Et donc, ça a commencé à se manifester il y a exactement une semaine, je pense. Et ça m'empêche de me reposer, quoi. Je dors pas, je ne mange absolument pas. J'essaie de manger, mais c'est compliqué. Et j'ai des problèmes de concentration. J'ai des petits problèmes de mémoire parfois. Je fais des malaises. Parfois, à 3h du matin, je me lève pour chercher mon arme, que je n'ai pas. Et ça commence à être dur à vivre. Parfois je me réveille, j'ai peur, parce que j'entends des bruits, donc ça me réveille. Il y a 2 jours, j'ai entendu un bruit la nuit, qui me rappelait beaucoup le bruit d'un coup de feu, et puis je suis sorti comme ça dehors. J'étais encore torse nu, j'étais trempé de sueur, je suis sorti toute vitesse dans la rue pour savoir ce que c'était. C'était les travaux, qui étaient juste en face. Un gars qui tape avec un marteau, ça m'a énervé. Ça rappelle le bruit du coup de feu en fait. Le bruit du marteau qui tape sur le métal, c'est assez similaire à celui des coups de feu qu'on entend généralement. C'est comme si on tapait une brique très fort avec un objet lourd. Ça fait un pac, pac, pac, pac. Et ça rappelle le bruit des mitrailleuses lourdes ou des Kalachnikov à courte distance. J'ai aussi ma blessure à ma jambe qui m'handicape pas mal. J'ai été blessé par de la shrapnel d'un sniper. Je l'ai pas traité en fait, c'est absolument trop fort rien quoi. Mais j'ai pas traité en revenant du front, ce qui a fait que ça s'est infecté quoi. Et j'ai des difficultés à marcher maintenant. Voilà. Et je vais pas pouvoir retourner au front directement dans cet état là quoi. Faut que je me repose, faut que ma jambe aille mieux, faut que ma tête aussi aille mieux. Faut que je me repose vraiment. Et c'est compliqué. C'est pas compliqué, donc je sais pas comment je vais faire. On m'a prescrit un traitement de médoc à prendre pour m'aider à dormir. Mais le problème, c'est pas de dormir, ou c'est les cauchemars et les pensées que j'ai dans la tête, quoi. Qui m'empêchent de me reposer, vraiment. Ça, c'est une balle de M16. C'est 5,56, donc c'est pas très gros, mais ça part avec une très forte vélocité, donc ça fait des bons dégâts. Hein. C'est du laiton, du cuivre au-dessus, à l'intérieur il y a de l'acier. Souvent, quand ça va cogner, quand ça va à l'impact, la chemise va éclater, donc ça va faire des petits éclats. C'est dans le corps, ça va déchirer, la balle va tourner, mais si ça tape sur, par exemple, un mur ou quelque chose, ces éclats, ils vont partir. Donc quand on est dans des combats, on prend toujours plein. C'est pas juste la balle, c'est les éclats des projectiles qui, en plus, font que, pas comme dans les films, il suffit pas de faire Matrix et des balles. Quand ça pète de partout, on prend un petit... pour trouver un œil, ça peut, voilà, un petit bout. Moi j'en ai pris là autour du nez, mais des petits, c'était pas méchant. Les balles qu'on tapait sur les cailloux à côté de moi. ça va rebondir sur les os, ça va avoir tendance à se balader dans le corps quand, quand ça pénètre. C'est à cause de votre blessure à la jambe que vous êtes revenu du Rojava ? Oui, il y a ça. Il y avait aussi la blessure à la tête que je devais vérifier. J'avais aussi des impératifs familiaux. Donc j'ai dû revenir vite, quoi. Et je suis revenu trop vite, en fait. Normalement, il y a une petite transition qui se fait de, on va dire, 2 semaines. Pour vous reposer un peu, pour que vous preniez le temps de planifier votre départ. Et moi, j'étais trop pressé, quoi. Et ça s'est fait en 1 semaine. Et c'était où, cette transition ? Je peux pas vous le dire exactement, désolé. C'est un endroit où les volontaires s'entraînent. Là, aujourd'hui, vous êtes venu en treillis ? Exact. Je me déplace tout le temps en treillis parce que j'arrive pas à mettre un autre pantalon psychologiquement. Je me sens, déjà, sans mon arme, je me sens bizarre et sans mon treillis, c'est encore pire, quoi. Je me sens vraiment très vulnérable. Donc, j'arrive pas à sortir dehors sans un treillis. Vraiment. Donc, pour venir jusqu'ici, vous avez fait comment ? J'ai pris le RER. Sauf que dans les endroits publics, je suis pas super à l'aise. Vraiment, être entouré de personnes comme ça, pas savoir si quelqu'un est dangereux ou pas, ça me pose quelques soucis au niveau de la tête, quoi. Et donc, soit je m'assois dans le wagon le plus reculé, tout au fond, ou soit c'est blindé partout et puis je stresse. Et donc, je baisse la tête et j'ai des vagues de sueur qui tombent de mon front, quoi. Voilà. Après, j'ai marché. Et là, ça a été un problème parce que à partir du moment où je marche trop, la douleur commence à revenir. Et je peux marcher assez vite. Et au bout de 5 minutes, je fais du 2 à l'heure, quoi. Ce qui fait que j'ai été en retard d'une heure et demie. J'en suis désolé. Alors que la M16, c'est plus sophistiqué. À nettoyer, ça prend plus de temps. C'est plus fragile, la poussière. C'est plus délicat. Et d'ailleurs, là-bas... La M16, c'est plutôt pour les snipers en général, parce qu'on peut monter des lunettes thermales ou de vision nocturne, qui est plus compliqué à faire sur une calache, puisqu'il n'y a pas vraiment de sens qu'une calache au-delà de 250 mètres, ça commence à vraiment perdre de la vélocité. Donc sur une M16, jusqu'à 400-500 mètres, on a quand même de l'impact. On peut monter, il y a un système de rails qui se met en place plus facilement. J'évite les ruelles quand je marche dans Paris, juste avant de sortir de la ligne de front pendant une opération. En pleine nuit, on s'est fait embusquer, j'étais dans une unité de 13 personnes, et 7 personnes se sont fait tuer, quoi. En fait, dans chaque unité, vous avez un sniper, et moi j'étais le sniper désigné, et j'étais pas dans la meilleure unité, quoi, en fait. C'est une unité de personnes qui n'avaient aucune discipline, voilà. Et il y en a un qui a sorti une cigarette, et qui a commencé à l'allumer, et forcément dans le noir ça se voit, c'était le noir complet. Plusieurs personnes de Daesh nous ont vus de loin, ils ont commencé à tirer à la mitrailleuse lourde, quoi. Et puis pendant une demi-heure, j'étais adossé contre un mur, et j'avais des éclaboussures de sang qui giclaient à ma figure, et je voyais rien, quoi. J'entendais juste des soupirs de personnes qui étaient en train de mourir, qui tombaient devant moi, j'entendais le bruit des corps qui tombaient. Et c'est le pire, c'est que c'est même pas des images qui reviennent en tête, c'est des sons, c'est des odeurs de poudre, de sang qui reviennent, et des cris qui reviennent en tête aussi. Et on voyait rien, quoi. On voyait juste des on voyait rien, quoi. C'était juste des sons de briques qui explosaient, de personnes qui mouraient par terre. Et j'avais peur de sortir ma lampe torche pour 2 raisons. C'est de me faire repérer par un gars de Daesh et de voir le massacre des cadavres qui étaient autour, quoi. Et quand les tirs ont cessé, il restait, on était je pense 5, on a commencé à ramper, et on a rampé sur des cadavres, quoi. Sur des bouts d'ossements humains, et sur des bouts de chair, et sur des bouts de je ne sais quoi, quoi. Et donc j'ai commencé à ramper. Ensuite, on a atteint le point le plus proche. Je me suis regardé dans le miroir et puis j'ai été couvert de saloperies, quoi. de la tête aux pieds. C'est des trucs qui restent dans la tête et qui empêchent de dormir. D'ailleurs, il y a une question que je posais régulièrement aux combattants, qui était une très mauvaise question, une question vraiment très déplacée que je leur posais. Romain Huette est chercheur en sciences de la communication. Il a passé du temps dans une brigade de Moudjahidine en Syrie. Je voulais absolument reconstituer le premier moment en fait où ils sont passés à l'acte. Où le premier moment, c'est bien de porter des armes, etc., d'être avec ses camarades, etc. Mais quand tu attaques un checkpoint, la première fois que tu utilises vraiment, que tu vises quelqu'un, et j'essaie de leur demander de me rappeler, de me reconstituer la scène. Ils étaient incapables de le faire. Aucun n'était capable de le faire, ou personne en fait ne voulait mettre des mots précis sur cette situation-là, parce qu'évidemment en fait là ici vous êtes atteint, enfin vous êtes rattrapé par une espèce de réalité qui est quand même tendue, quoi. C'est-à-dire que ça produit des tensions intérieures de toute évidence, quoi. Cet autrui-là que je dois requalifier comme un ennemi et notamment un ennemi à éliminer, c'est pas du jour au lendemain qu'on le fait, quoi. Vous avez quand même une responsabilité individuelle qui est dans la guerre, en fait. Généralement, cette responsabilité individuelle est toujours dispersée collectivement. Vous l'incarnez jamais complètement personnellement. Mais quand vous êtes dans la situation, c'est quand même vous qui portez l'arme, c'est vous qui visez, etc. Et là, c'est un acte qui est vécu vraiment individuellement, quoi. Sauf qu'évidemment, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer ont tendance en fait à ne pas le mettre en mots, à ne pas s'en souvenir, en tout cas à être incapable d'en donner une description concrète. Ce que je peux tout à fait comprendre par ailleurs. C'est pour ça que je disais que ma question était déplacée, parce que c'était faire revenir sur un processus qui est extrêmement compliqué à vivre intérieurement malgré tout. Quand même on pense que notre cause est juste. Ça suppose quand même un certain arrachement à soi, en fait, que de vouloir passer dans la violence pour des raisons politiques. Ça suppose que ce à quoi, par exemple, je croyais avant, je pouvais être très pacifiste avant, je pouvais globalement, en fait, exprimer ma colère tout à fait différemment. Là, d'un coup, en fait, j'accepte assez rationnellement, dans des motifs assez clairs, j'accepte à la fois, éventuellement, dans le cas de la guerre, de tuer, mais aussi d'exposer mon corps à la blessure et à la mort. Le fait d'être responsable des autres, ça aide à gérer le stress. C'est des gens qu'on... Enfin, moi, c'est des camarades, c'est des gens qu'on aime et qu'on n'a pas envie de perdre. Donc, ça motive beaucoup. William a 47 ans. Il a combattu Daesh ces trois dernières années dans les rangs des unités de protection du peuple kurde. Il faut parfois les placer dans des positions où ils sont en danger, mais il faut y aller, donc oui, leur grand frère, il y a un peu de ça, on a des relations fraternelles, bien sûr, mais dans le commandement, il faut pouvoir demander de faire des choses qui sont pas agréables. Disons que c'est plus facile de penser, d'avoir à s'occuper des autres, que si je m'étais retrouvé tout seul. On peut pas laisser tomber, donc je peux rien garantir, mais je ferai au mieux pour que... S'ils aient le plus de chances de s'en sortir. Les bonnes raisons de partir ne sont pas les bonnes raisons de rester. C'est-à-dire que très souvent, les gens qui partent, ils investissent dans leur départ, ils projettent dans le fait de partir un certain nombre d'illusions qui peuvent être très fréquemment déçues à leur arrivée. Laurent Bonelli, sociologue. Et ça explique très souvent qu'on ait des formes de désillusion. Alors, il faut rajouter à cela, en plus, que très souvent, vous partez chargé idéologiquement, vous dites « Ah, c'est super, la solidarité, soit on va construire une utopie, soit on va défendre des opprimés. » Bon, ça, c'est bien, c'est très sympa. Mais quand vous arrivez et que vous prenez des bombes sur la figure pendant des mois, dans des conditions qui sont les conditions d'une guerre, quand on ne vit pas dans une situation de guerre, on n'est pas habitué à vivre dans les fronts, ce que c'est la guerre, le froid, la faim, la peur, la douleur, tout ça, c'est terrible. Bon. Donc en réalité, plein de gens se démoralisent dans ce contexte-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer dans plusieurs conflits. Cette désillusion, elle produit des défections. Il y a tout un tas de gens qui rentrent. Après, il y a aussi des gens qui restent, mais on se rend compte que ceux qui restent, très souvent, c'est moins par adhésion à ce qui est en train de se passer que parce que vous êtes là. Par fidélité pour ceux qui sont tombés. Imaginez, vous êtes parti avec 4-5 copains, il y en a deux qui sont morts. Compliqué de rentrer et de dire « Ouais, bon, en fait, nous, on a laissé tomber. » Donc, là, on se rend compte, par exemple, ça c'est très présent dans ces différents conflits, que la fidélité aux morts, et la fidélité à ceux qui sont là, tenir par virilité, par l'honneur, en disant « Je ne me dégonfle pas », c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc effectivement, c'est des expériences qui sont des expériences souvent extrêmement traumatiques. Moi je vous dis honnêtement, là je suis en train de passer une mauvaise semaine, là les copains le savent. J'attends des dizaines de copains qui vont mourir là actuellement, qui sont coincés à Afrin. On développe des liens avec des internationaux, comme on développe des liens avec des Kurdes, ils deviennent très très forts. Moi déjà quand je suis parti à Shingal, j'ai laissé pas mal de copains sur le front de Raqqa. J'ai même sur mon sac, j'ai encore la photo d'un shahid qui m'est très proche, un shahid américain. Ouais, c'était un très bon copain, j'étais parti avec lui la première fois. Je devais le rejoindre la deuxième fois, malheureusement, j'étais dans une situation financière qui était catastrophique. Je venais juste de retrouver un boulot, donc il me fallait 2-3 mois le temps de régler ma vie en France pour prévoir le départ. Et lui, dans ce temps-là, bah, il est décédé, quoi. Donc, on aurait dû être ensemble quand ça s'est passé. On aurait dû repartir ensemble, on aurait dû réintégrer les groupes ensemble, on aurait dû recombattre ensemble. Ben voilà quoi, Et j'ai pas pu aller sur la zone. La zone a été reprise par les djihadistes et j'ai pas pu aller sur la zone pour aller faire un bisou copain quoi. Et ce mec-là, je l'ai découvert. Un bel esprit, très développé. La crème des types. Beaucoup de combats. Un vrai révolutionnaire et un grand bonhomme. Ses convictions étaient tellement fortes et il avait des idées tellement chouettes que ouais, ça valait le coup de se battre pour elle et de continuer à faire ce qu'il était en train de faire. C'est quoi la photo de fond d'écran de téléphone ? C'était un des gars qui nous avait attaqué le 13 novembre 2015. Ils nous ont attaqué, ils sont entrés dans notre camp. Hein, donc on était 12, 13, ils sont venus à 11. Ils nous ont surpris la nuit, à 4h du matin. Et on s'est battu jusqu'au petit matin, ils ont tué un de nos amis. Et au matin, il en restait 3 et ils se sont fait sauter, ils ont chargé sur nous. Lui, il était dans notre cuisine. Et il a chargé son eau, il a été abattu et il s'est fait sauter, quoi. Donc ça, c'est sa tête. On l'avait mis dans un... On a ramassé, on l'a mis... Sa tête était dans une bassine. Donc voilà, on l'a juste soulevé pour le regarder. C'est sympathique comme fond d'écran. Ah oui, mais bon, voilà, ça... Il a failli nous faire la peau, quoi. Ils ont failli nous avoir. Je n'oublie pas ce type-là. Ouais, voilà, donc celui-là, non. Il nous a pas eu. Il y a des gens, je dirais, qu'ils deviennent des meurtriers selon des circonstances dans lesquelles ils peuvent se trouver petit à petit entraînés. Ce qui signifie une chose, c'est que les êtres humains ont, d'une manière générale, cette capacité-là qui est inhibée. Fethi Ben Slama, psychanalyste. Donc, le désir de tuer existe chez les êtres humains et il est inhibé, il est réfréné. C'est la condition, on peut dire, générale. S'il y a des circonstances où cette inhibition est levée, eh bien, beaucoup plus qu'on ne le croit, des gens peuvent tuer. Et la guerre, par exemple, est un moment où cette inhibition est levée et où c'est autorisé, même, ou incité. Et c'est pour ça que la société et la civilisation doit travailler sans cesse à maintenir ces inhibitions quant au meurtre. La compassion, la création de tous les sentiments humains, de pitié, tout ça, ça... On se moque de la pitié, mais la pitié est quand même quelque chose de très important. Tous ces sentiments-là font partie de, pas seulement de l'éducation, mais de la civilisation. Si nous arrêtons de faire ce travail-là, eh bien, on peut avoir beaucoup plus de tueurs. Et moi, je tire souvent de loin, donc on tire à plusieurs avec différents armements. Donc le lendemain matin, quand on va récupérer le cadavre, je sais pas si c'est moi qui ai tué celui-ci ou si j'ai blessé celui-là ou... Bon, ça c'est très difficile à savoir. À la calache même, j'ai blessé un type qui nous avait attaqué, qui était rentré dans notre camp. Après, j'ai pas tué à bout portant un type avec ma kalachnikov. Non, ça c'est pas arrivé. Et vous en faites quoi des cadavres ? Les cadavres, on les récupère, on creuse un trou dans un champ, on les met dedans et on recouvre. C'est, ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est quand on peut les récupérer. Si c'est en ville, comme à Raqqa ou même Manhattan Beach, enfin, quand les combats continuent, c'est souvent les chiens qui vont les manger. Les chiens et les chats. À Raqqa, il n'y a plus de chiens, mais il y a plein de chats et très dodus. Ils sont, voilà, c'est ce qui a survécu. Il n'y a pas de rats, il n'y a plus que des chats. Mais des centaines, hein, ils sont partout et ils sont tous gras et... Ouais, ils se sont nourris des cadavres, entre autres. Hein. Mais ouais. Et puis, je crois aussi qu'à mesure qu'on s'enfonce en fait dans la guerre, on devient tout à fait autre. Quoi. Il y a une transformation du sujet qui est très forte, quoi, une transformation de la subjectivité qui est très importante, parce que vous perdez progressivement tout, toute votre vie quotidienne d'avant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de défamiliarisation radicale avec votre vie quotidienne. Vous n'êtes plus avec votre famille, généralement. Vous n'avez plus le travail, vous n'avez plus de... Comment dire, tout ce qui stabilisait votre quotidien avant n'existe plus. C'est un nouveau quotidien qui advient. Quoi. Et puis progressivement aussi, hein, il y a un ordre de grandeur hein, dans la guerre. C'est que progressivement, en fait, vous avez toujours la hauteur de l'engagement. Quoi. Vous combattez pour le futur, vous combattez pour les devenirs, vous combattez pour l'avènement d'une autre société, vous combattez pour la Syrie de demain, vous combattez pour... tout ça, ça, évidemment, en fait, ça vient soutenir l'individu dans l'engagement, avec aussi un petit peu cette figure un peu héroïque de l'individu qui met en péril sa vie pour des idées. Il y a quelque chose de très romantique et très, très joli malgré tout hein, dans cette idée de... les devenirs sont supérieurs à la vie, c'est une phrase de Camus dans une de ses pièces sur les justes, que si je fais ça maintenant c'est pour des devenirs et non pas pour autre chose quoi. Et donc évidemment quand vous le pensez vraiment il y a une espèce de un honneur de l'engagement qui vient évidemment contraster clairement en fait avec une vie peut-être un petit peu fade auparavant, une vie en tout cas verrouillée auparavant. Là ici on peut avoir la sensation qu'on combat pour que l'avenir s'ouvre et ça je crois que oui ça joue un rôle important. Il y a aussi le fait que dans les guerres, il y a des carrières aussi. Enfin, je veux dire, d'un point de vue purement sociologique, je me souviens moi d'un combattant qui était vendeur de téléphone et d'un coup, il devenait responsable de com de sa brigade. Il accueillait les journalistes du monde entier, il circulait dans des belles voitures. Il était quelqu'un, quoi. Là, il était reconnu. En plus, bon, ils étaient accueillis comme des héros par la population qui était là. Enfin. Je sais pas comment on fait pour revenir en fait dans la vie d'avant. Et généralement, c'est là où d'ailleurs où les traumatismes naissent vraiment, parce que vous faites un autre rebasculement et vous devez retrouver une espèce de quotidienneté avec beaucoup moins d'intensité. Et oui, il semble que pour beaucoup de personnes, même quand ils pensent que leur lutte d'ailleurs ne sera pas victorieuse, mais ils continuent à rester, le sentiment qu'on peut pas faire autrement, on peut pas rebrousser chemin, quoi, que tout ce que nous avons engagé, c'est très très difficile en tout cas, ça se vit douloureusement. Mais vous n'avez pas besoin d'ailleurs que de la guerre pour illustrer ce genre de choses, hein, même si vous vivez un mouvement social très fort, dans lequel vous avez eu des temps communs importants, généralement, quand le mouvement s'arrête, il y a des phases dépressives importantes, parce qu'il y a un ennui, parce qu'il y a un retour à une espèce de vie très calme, dans laquelle il n'y a plus l'intensité, en fait, du conflit, quoi. Parce que l'intensité du conflit, c'est de la vie en commun, l'intensité du conflit, c'est je fais quelque chose qui a du sens, le moindre geste que je suis en train de poser, il a du sens. Je me souviendrai toujours en Ukraine, j'étais allé pendant la révolution ukrainienne, et je m'étais fait cuisinier sur la place Maïdan pour observer la révolution. Et puis j'avais demandé au chef de la cuisine, enfin du bâtiment occupé, je lui avais dit un peu une question comme ça, un peu pour plaisanter, mais je lui avais demandé, mais finalement au fond, moi si j'hésitais encore à faire la révolution, qu'est-ce que tu me dirais pour me convaincre ? Moi je m'attendais qu'il me dise, regarde Yanukovych, il est ci, il est ça, etc. Il m'a dit, bah viens, tu verras, demain tu vas revenir. En gros, il me disait, viens éplucher de l'ail, viens éplucher des patates, etc. Viens faire à manger, tu verras, demain, tu vas tellement avoir fait ça que tu vas revenir. C'est-à-dire qu'en fait, le geste que j'étais en train de poser là, en épluchant de l'ail, d'un coup, il avait un sens évident, quoi. Alors que j'étais habitué peut-être à mener une vie dans laquelle je pose des gestes, dans laquelle je n'arrive pas à avoir le sens qu'ils ont, j'arrive pas à voir comment ça transforme le réel, j'arrive pas à voir comment ça marque le réel. Là, d'un coup, le geste le plus insignifiant, il occupe un sens concret. Oui, et comment il me l'a justifié? Il me l'a pas justifié avec une longue tirade poétique, mais justifié en disant que c'était la vie qui prenait sens, soudainement, même avec ses actes mineurs. Le truc, c'est que moi, je me connais, je repartirai. Mais quand, c'est ça le truc. Ça peut être dans 20 ans, comme ça peut... J'en sais rien. Je sais pas comment je pourrais arriver à trouver le truc. Je peux pas me désintéresser de tout et juste penser à ma petite personne. C'est nul. Je suis pas intéressant. Enfin, voilà, je me connais, quoi. Donc, c'est plus intéressant. Puis c'est tellement... Enfin... Quand on a vécu ce que j'ai vécu, la vie elle est fade à côté, la petite train-train de la vie, il est... Ouais, c'est pas intéressant, on n'apprend rien. Moi honnêtement, je trouve que la société issue, la société occidentale, elle est pas... Non, c'est pas mon dada. Je préfère avoir moins de confort, mais plus de rapports humains. Au moment de cette dynamique même de l'engagement, ce moment de rupture par rapport à une existence quotidienne qui peut être marquée par l'ordinaire, qui peut être marquée par la répétition du même, parce qu'au fond c'est ça. Frédéric Gros, philosophe. C'est Arendt qui disait que le propre de l'action par rapport à la vie elle est faite de répétition. C'est-à-dire, on mange, et tout se répète. C'est le propre de la vie, mais comme dans sa dimension biologique. C'est-à-dire ce qui fait qu'on est dans la conservation du même, et on répète dans la monotonie. C'est ce qu'elle appelle, quand je dis la vie, elle appelle ça plutôt le travail. C'est le moment du travail. L'apparition de ce qu'elle appelle le politique, et de l'action, donc, c'est que ça suppose une rupture par rapport à ça. Connaître l'appel d'un engagement, ça va supposer cette première désobéissance, mais qui est initiale, qui est créatrice, qui est originaire, et toutes les obéissances qui vont suivre, et qui évidemment sont très importantes et décisives quand il s'agit d'action collective, elles vont garder une part de vibration qui est celle de cette première désobéissance. Et donc, elles ne seront pas à mettre dans le même plan que des obéissances complètement passives. Moi-même, en tant que chercheur, je le vis un petit peu aussi, hein, alors que je prends pas les armes. Et en même temps, oui, bien sûr, il y a quelque chose qui se passe, où vous avez l'impression qu'il y a l'histoire qui est en train de se passer devant vous, vous avez l'impression que... Ça contraste en fait avec la monotonie de nos existences, avec les petites contingences dans lesquelles on est précipité. Là, les contingences ne sont pas du tout les mêmes. Je me souviens, il y avait une mission où on était en plein milieu de la ville de Abu Hamam, qui se trouve dans des résorts. C'était un village qui était partiellement contrôlé par Daesh. Et ce jour-là, on m'avait envoyé en opération avec cette femme, donc on s'est retrouvés que tous les deux. Ce qui normalement était interdit par les règles. Une femme et un homme ne doivent jamais être tous les deux seuls sur les lignes de front. Et donc on était restés très très isolés du village. On était sur un toit. On était censé traquer un commandant de Daesh qui était à 5 km en face de nous. Et c'était un toit qui avait deux étages en fait. Elle était au-dessus et moi j'étais en dessous. Et donc parfois pendant un pot, j'en profitais pour fumer en fait parce que je la voyais, il y avait un gros trou dans le mur. Et donc je la regardais en fumant et puis j'avais pas vu, mais elle aussi me regardait en fait. Il y avait un espèce de jeu de miroir débile. Il y avait la lunette de son fusil sniper et en fait elle se servait du reflet pour me regarder et pour savoir si je la regardais. Et donc ça nous a fait rire, quoi. Et puis voilà, quoi. C'est là qu'on a commencé à être de plus en plus intime et de parler de tout et de rien. passer des beaux moments ensemble à traquer des militants de Daesh. Très romantique. Et voilà, ça a duré une semaine, c'était très beau, c'était court, mais c'est une belle relation, quoi. Bon, c'est interdit, quoi, dans le mouvement kurde. On peut pas tomber amoureux d'une combattante kurde, parce qu'il faut rester concentré sur la révolution, quoi. Mais la magie de notre relation, c'est d'être à la fois concentré sur la révolution et pouvoir trouver des moments où on peut être tous les deux, quoi. Et c'était génial. Mais on s'est dit qu'à un moment, ça allait plus être possible. C'est une relation, ça reste du flirt, ça reste une attirance réciproque, mais ça s'arrête là, quoi. Quand on est sur la ligne de front, on fait un travail de soldat, quoi. Voilà. Je préfère en rester là, quoi. C'est quelque chose de très beau qu'on vit ensemble. Et je préfère que ça en reste là. C'est une fille qui est magnifique. C'est une très bonne combattante qui a absolument pas peur de tirer. Donc moi, par exemple, j'ai peur de tirer sur des endroits où je le sens pas. Elle a peur de prendre le tir, quoi. Et, c'est une très bonne combattante. Elle est très belle. Elle est très intelligente. Très cultivée. Et franchement, ce qui est dur dans le monde révolutionnaire, c'est d'avoir ce genre de personne. Et de pas se dire, ah, allez, on va quitter la lutte pour aller dans les montagnes et puis se marier là-bas, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est un des trucs qui est dur à accepter, quoi. J'ai 18 ans, je m'intéresse aux filles. Et forcément, c'est dur à accepter, mais bon. Faut savoir être mature, quoi. Et se dire que c'est la guerre, qu'il y a des morts, qu'il y a des gens qui tombent à côté de nous. J'ai eu vraiment pas mal de camarades qui sont morts juste à côté de moi, des personnes avec qui j'ai passé 2-3 mois à rigoler dans le désert, qui sont morts en se prenant des balles dans la tête à côté de moi. Et franchement, si ça arrive à ma copine, je pourrais très difficilement m'en relever, quoi. Elle s'appelle comment? En fait, chez les Kurdes, il y a deux noms. Vous avez un nom de code. Son nom de code, c'était la camarade Rosa, en hommage à Rosa Luxembourg. Et son vrai prénom, j'ai jamais réussi à le savoir. Voilà. La figure de l'engagé volontaire, c'est aussi quelqu'un qui, dans le cours de son existence, à un moment, ressent quelque chose comme un appel qui le somme précisément de partir. Je crois qu'il y a un pari qui est un pari risqué, qui est le fait qu'il puisse exister des formes de violence, des formes de colère politique ou des prises d'armes qui se mettent au service justement d'idéaux plus forts. C'est quelque chose qui a toujours existé. Le grand mythe occidental, mais enfin je dis occidental, il existe dans d'autres civilisations, de la chevalerie par exemple, c'est exactement ça. C'est essayer de penser une violence qui soit sublimée par l'idéal qu'on poursuit. Le propre de la chevalerie, c'est précisément d'essayer de construire une idée noble de l'obéissance. On pourrait considérer de manière tout à fait banale qu'après tout, celui qui obéit, c'est l'esclave. C'est celui qui exécute, c'est celui qui est soumis. Donc on peut bien considérer que l'obéissance manque fondamentalement de noblesse, puisque obéir, c'est toujours être aux ordres de. Le propre de la chevalerie, ça va être de considérer qu'il existe une version noble de l'obéissance dans laquelle c'est pas qu'on est aux ordres d'eux ou qu'on est soumis, mais qu'on se met au service soit d'un idéal, soit d'un certain nombre de valeurs. Et le secret de cette mise au service, c'est qu'ils vont instaurer en chacun une tension qui va exiger de chacun qu'il se dépasse lui-même, puisque précisément ce auprès de quoi il se met au service l'oblige à un dépassement de lui-même. Le propre de ce modèle de la chevalerie, c'est précisément de faire valoir un modèle supérieur de l'obéissance. Bien sûr, il y a une dynamique, on est tous volontaires, il y a des gens qui sont jeunes, c'est exaltant, il n'y a pas de problème, ouais. Mais pas pour ça que je suis parti. Je suis pas parti à l'aventure. Hein. Je suis pas un aventurier, moi. Donc, c'est pour moi, c'était pas de faire le coup de feu, quoi. C'est pas bah, plus que ça. Je me suis engagé. Voilà, je suis quelqu'un d'engagé, mais je pars pas à l'aventure. Quoi. C'est pas le but. C'est pas de se faire des frayeurs ou de faire la guerre. C'est pas quelque chose de très réjouissant. Hein. C'est 90% du temps, ça se passe bien. On est entre copains. Voilà, il y a une bonne ambiance et tout, mais quand on est au combat, c'est pas drôle du tout. C'est pas quelque chose d'agréable. On a envie que ça finisse vite et bien, ce qui est pas toujours le cas. Donc, faut pas. Enfin, ceux qui n'ont jamais fait ça, il y avait beaucoup de jeunes, ils idéalisaient un petit peu, ils étaient impatients d'aller au front, etc., etc. Bon, ben ouais, mais faut. Après le premier combat, ils parlent plus comme ça, ces gens-là. Donc, faut. C'est pas tout de monter sur le front, c'est pas un jeu, quoi. C'est pas, y a pas un replay, on peut pas. Hein, on recommence pas. Il y a plein de volontaires que je croisais, je voyais bien qu'ils n'avaient aucune expérience, qui débarquaient là-dedans très jeunes, et puis avec plein de. Enfin, ils se faisaient une image de la guerre qui était complètement irréelle, quoi. Donc, très romantique. Et puis, voilà, ils avaient vu des films, ils ne connaissaient pas la guerre. Donc, forcément, l'image et l'idée qu'ils en ont est faussée. Et ils vont forcément se mettre plus en danger du fait de leur ignorance de la guerre. Donc, quand je pouvais récupérer des gens avec qui je m'entendais bien, d'avoir au sein de mon équipe, pour moi, c'était quelque chose de bien. Parce que je savais qu'on voilà, on va les former le plus possible, on va s'entraîner, on va discuter, on va les préparer. Si on part ensemble au combat, moi, je vais essayer de faire en sorte que ce soit progressif, qu'il ne soit pas directement jeté comme chair à canon sous les balles des ennemis, quoi. Que je suis revenu et depuis 3 semaines j'ai envie de repartir. À partir du moment où j'ai mis le pied en France, je me suis dit je dois repartir, quoi. Donc je suis rentré chez moi et j'ai commencé à préparer les affaires que j'allais emporter. C'est vraiment pas grand chose, hein. C'est juste quelques vêtements. Ça c'est une paille qui permet de boire l'eau qui est non potable et ça la transforme directement en eau potable. L'eau elle a un goût dégueulasse, mais ça aide, quoi. Donc là, vous avez un panneau solaire portable. Petite boussole dessus. Ensuite, j'ai pris mon sac de front. Le sac que je prends quand je vais au combat. Hop. Donc c'est un sac couleur de la milice pour laquelle je combats, qui s'appelle les YPG. Camouflage pixel. C'est le camouflage qu'utilisent les forces spéciales américaines aussi sur place et les Marines en Irak. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine de poches au moins. J'ai été blessé avec ce sac, donc il y a des odeurs légères de transpiration et de sang dessus. J'ai tout fait avec ce sac. J'ai mis des balles aussi, donc il y a des traces de poudre dans mon sac. J'ai aussi un tout petit peu d'argent. Mon passeport, quelques prises, et c'est tout. Ça a une odeur, la guerre ? Ah oui, ça a une odeur. Et l'odeur n'est pas très alléchante. C'est une odeur de peur, de transpiration, de sang, de poudre, surtout de poudre, de fumée, de cadavres en décomposition, c'est pas génial, quoi. Et c'est des trucs, des odeurs qui restent après dans le nez et qui vous affectent psychologiquement, en fait. Par exemple, quand ma mère me demande de sortir les poubelles, l'odeur des ordures me rappelle l'odeur des cadavres en petites fractions dans la rue, en fait. Ce qui est aussi compliqué à supporter psychologiquement, donc je m'approche pas des poubelles. Il y a une odeur qui vous manque ? Oui, celle de la poudre. Quand vous tirez, la douille sort, la culasse est totalement reculée, et elle laisse échapper, en fait, un peu de poudre... qui a brûlé, et l'odeur vous stimule en fait dans la tête. Ça vous donne un puissant sentiment d'adrénaline, et c'est un sentiment qui est assez puissant quand vous avez l'odeur de la poudre en nez et que vous êtes habitué. Ouais, ça manque un peu les Kalachnikov, ouais. Ben oui, c'est une arme qu'on prend l'habitude de porter 24 sur 24. On dort avec, on l'a avec nous tout le temps. Voilà, on l'entretient. C'est ce qui nous permet de sauver notre peau et puis de combattre. Les premiers jours, quand on passe dans le civil, on s'entend. On se maintient, est-ce que j'ai mis ma main. Non, il n'y a plus d'armes. Mais oui, ça arrive. Et... Là, vous l'auriez mise où? Oh, ben, j'aurais mise ici, là. Entre vos jambes? En fait, elle est toujours à portée de main. Ah ouais, ouais. Je vais pas aller dans un endroit où... ouais, elle est pas loin. Elle est à portée de main, ça c'est sûr. Et surtout, rapidement disponible. Parce que on est en pleine sécurité nulle part, Rojava. Hein. Donc effectivement, quand je suis rentré à Paris, les premières semaines, je faisais attention. Dans le métro, je faisais gaffe où je m'asseyais. Dans les restaurants, café, voilà, je faisais attention. Bon. J'ai porté un marteau pendant un moment. En cas d'attaque, voilà, mieux vaut avoir un marteau que rien du tout. Je ne vais pas me trimballer avec un couteau parce que ça, c'est illégal, mais un marteau, c'est fait pour bricoler. Donc, bon, a priori, je peux l'avoir sur moi. Même quelque chose qui est compliqué à faire pour passer à la violence, c'est qu'il faut arriver à neutraliser la morale ordinaire qui disqualifie généralement l'usage de la violence à des fins politiques. C'est-à-dire qu'il faut arriver en fait à neutraliser cette espèce de tension qu'on aura vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'extérieur, qui va délégitimer ce qu'on est en train de faire. Je crois jamais, bon, par exemple, que les gens vont s'engager dans des luttes armées uniquement en raison de motifs idéologiques qui sont extérieurs à eux. C'est parce que ils vivent intimement cette épreuve d'un monde qui les écrase, d'un monde en tout cas qui n'ouvre pas véritablement à des possibilités d'accomplissement. Ça, ils le vivent concrètement, quoi. Je veux dire, si on le vit pas, évidemment, en fait, généralement, on porte d'ailleurs relativement peu de soucis pour le monde, quoi. Et d'ailleurs, moi, tous les combattants que j'ai rencontrés m'ont toujours raconté, en fait, comment ils ont vécu personnellement ces injustices. Quand on souffre, très souvent, en fait, on a l'impression qu'on est un peu les seuls à souffrir, qui a un caractère très exceptionnel à notre propre souffrance, que finalement, au fond, l'autre n'a jamais vraiment accès à ce que je suis en train de vivre. Et là, l'idée, c'est de montrer qu'il y a un voisinage entre ces vies défaites, quoi. Et que ce voisinage-là, dans un certain nombre de contextes politiques, il peut se faire, quoi. Et quand il se fait, évidemment, là, les gens s'engagent. Mais ça veut dire aussi qu'effectivement, en certaines circonstances, la plupart d'entre nous, individus ordinaires, on serait tout à fait enclin en fait à s'engager dans une lutte, y compris dans une lutte violente, quoi. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, notamment évidemment avec Hannah Arendt, avec Browning, des gens qui ont essayé de se poser la question comment un individu ordinaire en fait s'enfonce, devient un tueur, quoi, voire même devient un bourreau, quoi. On peut progressivement en fait passer dans des états de violence, quoi. Et c'est pas dépendant de sa psychologie, c'est pas parce qu'il aurait une psychologie particulière qui fait qu'il va passer la violence. C'est en raison d'un contexte social, c'est en raison en fait d'une certaine expérience du monde qui, à un moment donné ou à un autre, rend possible en fait le passage à l'acte, à l'acte violent. Alors il y en a qui le seraient pas, il y en a qui passeraient pas à l'acte, il y en a aussi qui refusent la violence, il y en a qui se mettent à l'écart, il y en a qui ne prennent pas les armes. Une brigade de combattants, il n'y a pas que des combattants, il y a des gens qui conduisent des ambulances, il y a des gens qui font la cuisine, il y a toute une série en fait d'autres manières de contribuer. Donc je ne dis pas que tout le monde passe nécessairement à l'acte violent, mais par contre moralement en fait on peut tout à fait adhérer à cette vision de l'engagement qu'on peut appeler un engagement à haut risque, quoi. Ce qu'il y a peut-être dans la désobéissance de plus fort, c'est qu'elle met en place cette structure de la première personne. Au fond, il y a beaucoup de choses dans la vie pour lesquelles on peut se faire remplacer par un autre. Et il y a un certain nombre de choses, et c'est là qu'on voit que ces choses-là sont très importantes et décisives, qui sont telles qu'on doit les faire à la première personne. J'imagine mal quelqu'un demander à son ami ou à son voisin de désobéir à sa place. Ça n'aurait aucun sens. Je pense qu'il existe une forme de désobéissance politique digne et noble, et qui a une certaine dignité, en tout cas pour moi une grande profondeur philosophique, et qui est cette désobéissance dans laquelle se découvre une part d'indélégable. Je pense que un engagé volontaire fait l'expérience, en entendant certaines informations à la radio, qu'il ne peut pas se défausser et qu'il entend un appel et que cet appel, il doit y répondre présent. C'est ce qui fait de la désobéissance aussi une expérience de responsabilité, mais au sens où je vais appeler ici responsabilité, la capacité à répondre présent et donc en première personne. Certains vont faire cette expérience qu'ils doivent y aller. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité ? C'est le fait de sentir qu'on doit commencer quelque chose. Et on est pris dans des logiques, dans des monotonies, et à un moment, on sent qu'on doit commencer quelque chose. Et cette capacité à commencer quelque chose, c'est-à-dire, mais qui peut avoir des expressions politiques, mais aussi bien esthétiques, artistiques, etc., c'est une capacité à répondre présent à la vie même. C'est-à-dire à ne plus se laisser porté par la vie, mais à devenir un engagé volontaire de sa propre existence. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité ? C'est ce moment où, précisément, on considère qu'on est appelé à commencer à partir de soi-même. Il y a un poème de Yanis Ritsos qui disait « La naissance est quelque chose d'étrange dont on ne se remet jamais tout à fait. » Et au fond, qu'est-ce que c'est que la responsabilité ? C'est le moment où on commence vraiment, c'est-à-dire où on naît à soi-même. Et naître à soi-même, jusque-là, on est né, donc on est porté par les choses, par ce qu'on nous dit de faire, et puis il y a ce moment où on décide de faire à partir de soi, ce que Arendt appelle la condition de natalité. Et il y a de ça, sans doute, dans l'engagement volontaire. Personne ne vous attend au sens où il s'agit surtout de se rencontrer soi-même. Le propre de la désobéissance est de pouvoir créer, pouvoir se laisser surprendre par soi-même. C'est des choses qui arrivent finalement assez peu dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. C'est-à-dire ce moment où on se dit « je ne me pensais pas capable de le faire ». Et ça veut dire qu'on commence soi-même. Personne d'autre ne vous attend que vous-même, mais pour vous en soyez surpris, c'est ça. C'est le problème de l'existence, c'est aussi de parvenir à se rencontrer soi-même. Je ne veux pas dire à se trouver comme s'il y avait une identité première, perdue, qu'il faudrait retrouver. Non, ce n'est pas intéressant de devenir soi-même, etc. Mais de se rencontrer, oui. Dans ces expériences qui engagent l'existence tout entière, que ce soit celle des engagés volontaires ou que ce soit celle d'actes qui vont mettre en jeu toute l'existence, il y a cette dimension de rencontre. Le retour, guerrier nouvelle génération en Syrie. Avec les engagés volontaires Maxime, Rabachol et William. Avec Romain Huette, Laurent Bonelli, Fethi Benslama, Frédéric Gros. Merci à Oumout, Éric Biegala, Blanche, Sarah Maquet et Marianne Bernard. Merci à Mathieu Delmas, Pierre Sautreuil, Philippe Calfine, Patrice Franceschi, et Gérard Chagnon. Archives de guerre, Romain Huette, Jean-Marie Porcher. Documentation d'actualité, Estelle Ferrari, Corinne Chauvel, Patricia Miura et Christine Anzano. Coordination, Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Prise de son, Jean-Marie Porcher. Mixage, Claire Levasseur. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Diffie Mariani. Combattant, engagé, brigadiste, mercenaire ou pacifiste, LSD, la série documentaire, s'est terminée pour cette semaine. Et si vous voulez embrasser une cause, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour le traité de paix ou nous réécouter avant la crise de panique, et bien tout ça, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et maintenant même sur Instagram, LSD, la série documentaire. Allez donc y laisser des commentaires. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, nous nous embarquerons avec des vrais marins. Mais demain, à la même heure, vous retrouvez le magazine de la rédaction. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière et une vie, une œuvre.